Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis, 18h30, 19h30, retrouvez Franck-Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens, nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous, nous t'accueillons, Jésus, viens au milieu de nous, Saint-Esprit, viens. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de toi. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue sur Lumière sur les ondes, émission de ce vendredi 12 juin 2015. La semaine dernière, en présence d'illustres invités, nous évoquions pour la toute première fois le phénomène du parler en langue, cherchant à savoir s'il est la seule preuve de la présence du Saint-Esprit, autrement dit, si un chrétien peut avoir le Saint-Esprit sans parler en langue. Nous avons appris à force d'enseignement et à la lumière de la parole de Dieu que le parler en langue est l'un des dons spirituels que nous accorde le Saint-Esprit aux côtés des dons divers tels que le don de prophétie, de guérison, d'interprétation des langues, de diversité des langues, les miracles, entre autres. En conséquence, on peut logiquement recevoir le Saint-Esprit sans parler en langue. Nous avons aussi appris que le don de parler en langue est différent du don de diversité des langues. Mais là, nous y reviendrons afin que le peuple de Dieu soit abreuvé de connaissances. Privé de temps, nous avons décidé de revenir cette semaine sur ce sujet qui déchaîne des passions. Ce soir, comme de bien entendu, Lumière sur les ondes est une co-présentation de Charlie Bacody et Franck-Stéphane Mauvois. Bonsoir Franck. Bonsoir Charlie Bacody, c'est une parfaite restitution de l'émission de vendredi dernier que vous venez de nous faire. Et comme vous l'avez si bien dit, Lumière sur les ondes de ce vendredi 12 juin 2015, suite et fin du thème portant sur le parler en langue. À la lumière des Saintes Écritures et tout au long du Saint Débat, le Saint Débat qui va se tenir, nous allons décortiquer ce sujet, plutôt cette actualité qui semble ne pas faire l'unanimité dans le corps du Christ. Vous nous écoutez au travers de votre poste récepteur, de votre téléphone ou sous WhatsApp. Vos contributions sont attendues par SMS au 699 49 37 90, le 699 49 37 90 ou par appel à partir de 19h précise au 243 07 56 32. Lumière sur les ondes édition de ce 12 juin 2015. C'est une mise en onde de tonton Théo, réalisation Babette Doya, supervision générale Eric Ndongo. Nous allons écouter une émission, nous allons écouter, je voulais dire une musique, Charlie Bacody qui me fait de grands gestes, une musique qui nous arrive de la Côte d'Ivoire. C'est un groupe qui s'appelle ADN et ils chantent Jésus. Je te donne ma vie. Nous également, nous avons donné notre vie à Christ. Bonsoir et bienvenue. Malgré mes imperfections, Seigneur, tu m'as sauvé. En retour, je te donne ma vie. Prends-la et fais de moi ce que tu veux. Oh, Jesus. pécheur que je suis, tu m'as choisi. Conduis-moi et instruis-moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, car tu es mon salut. Oh oui, Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne ma vie. Oh oui, Jésus, je te donne ma vie. Chose, le diable me cherche et veut me mettre KO. Garde-moi et instruis-moi. Souviens-toi de moi, Seigneur, car tu es mon salut. Oh, Jesus, oh oui, Jésus, je te donne ma vie. Je donne ma vie. Je te donne mon cœur. Jésus vient, nous avons besoin. Le groupe ADN, Je te donne ma vie, Jésus, je te donne ma vie, qu'on venait d'écouter cette très belle chanson. Vous êtes en direct de Lumière sur les ondes, mesdames et messieurs, à partir de la 99.6, c'est Radio Bonne Nouvelle, la fréquence du corps du Christ. L'émission, c'est Lumière sur les ondes, et ce soir, nous mettons à la lumière, Charlie Bakoudi, un thème que nous avons commencé à décortiquer depuis la semaine dernière. Un thème fort évocateur qui déchaîne des passions. Franck Stéphane me voit, et je l'ai dit en prélude, privé de temps, la semaine dernière, nous avons décidé de reconduire cette semaine sur ce thème afin que le peuple de Dieu soit abreuvé de connaissances. Avant d'introduire nos invités, je vais rappeler Franck Stéphane Mevoix que Lumière sur les ondes est également présente sur les principaux réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp, mais aussi sur YouTube en téléchargement légal. Bien sûr, il faut dire que toutes les émissions qui sont produites dans ce studio, vous pouvez également les écouter sur YouTube en fonction des thèmes. Aujourd'hui, par exemple, on va débattre sur un thème que nous avons commencé la semaine dernière sur le parler en langue. Vous pouvez juste taper débat sur le parler en langue sur Radio Bonne Nouvelle. Vous allez retrouver l'élément. Vous pouvez taper débat sur le Saint-Esprit. Vous allez retrouver l'élément qui a été produit dans le cadre de Lumière sur les ondes. Donc, nous sommes en train d'étendre nos tentacules. Comme nous le dit la parole de Dieu, nous allons jusqu'aux extrémités de la terre afin que la vérité y soit. Charlie Bakoudi. Amen, effectivement. Alors, dans ce studio, deux invités nous ont fait l'honneur d'être présents parmi nous ce soir, l'évangéliste Élie Bertrand Tchabda Junior qui a conquis l'audimat, c'est désormais une recommandation des auditeurs dans ces émissions. Élie Bertrand Tchabda, frère Tchabda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, là tu te retrouves encore. Je rappelle que vous préférez que je vous appelle frère. Frère, parce que c'est le plus beau nom que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné pour la famille chrétienne. Il dit d'ailleurs qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Pas pour les évangélistes, pas pour les titres. Parce qu'à ces rythmes-là, on va commencer à se regrouper en fonction des titres. Ouais. Non, en même temps, on ne va pas dire aussi frère Georges Guillaume Medio, ça lui va plutôt bien. Frère Georges Guillaume Medio, qui est pasteur. Il faut demander son avis. Qui est pasteur, j'allais y arriver, qui est pasteur, qui est également prophète. Oui. J'ai dit bonsoir au prophète Georges Guillaume Medio, bonsoir. Bonsoir, François Stéphane, bonsoir, Charlie Bakoudi, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur la radio Bonne Nouvelle. Merci de m'avoir invité une fois de plus. Alors, je voudrais déjà qu'on fait un bref résumé, chaque invité, en quelques mots. On est tous d'accord que le parler en langue n'est pas la condition du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu peut avoir le Saint-Esprit sans parler en langue. Absolument. La dernière fois, nous avons vu effectivement, avec parce que l'une des choses qu'il faut qu'on fasse, c'est chaque fois, on émet les idées, mais il faut donner les versets bibliques qui appuient cela. Oui. La dernière fois, nous avons vu effectivement que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 27 à 30, nous avons vu effectivement comment il pose certaines questions rhétoriques là-bas, où il a dit tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous parlent-ils en langue, c'est manifestement non. Et par la suite, il va dire, dans 1 Corinthiens 14, il dit, en est-il qu'il parle en langue? La question qu'un qui pose, en est-il qu'il parle en langue que deux ou trois ou plus parlent et que les autres, que quelqu'un interprète, il n'y a pas un interprète qu'on se taise. Lorsqu'il pose la question, en est-il qu'il parle, ça se pose donc clairement, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne parlent pas. Ah oui. Alors maintenant, ça veut dire que dès la dernière fois, nous avons conclu sur ce point-là que en réalité, on peut être enfant du Seigneur Jésus sans parler nécessairement en langue. D'accord. Okay. Pour mettre Georges Guillaume Joe, ça veut dire donc que le parler en langue est un don spirituel parmi tant d'autres dons. Effectivement, le parler en langue, nous avons dit ici que c'est un don spirituel parmi tant d'autres. Ça veut dire que ceux qui sont acceptés, qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, reçoivent les dons, c'est-à-dire selon la direction du Saint-Esprit. Et ça fait qu'il y a certaines, c'est-à-dire quand tu vois même dans les livres des Actes des Apôtres, tu vois au chapitre 2, Pierre recommande le baptême des eaux, c'est-à-dire avant de recevoir le don. Alors, il y a quelque chose qui s'est déroulé toujours dans le même chapitre, au chapitre 19, verset 6, l'apôtre Paul se retrouve à mission, c'est-à-dire en voyage missionnaire. Il a commencé à prier, imposer les mains sur les gens, c'est-à-dire ceux-là n'ont pas reçu le baptême d'eau, par exemple. Ça veut dire que Dieu nous fait comprendre la dimension de sa souveraineté. Donc, par rapport à son fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix, tout est possible à ceux, c'est-à-dire c'est la foi qui, comment dirais-je, galvanise, qui nous donne l'accès, c'est-à-dire à la grâce multidimensionnelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci homme de Dieu, prophète Georges Guillaume Dieu, pour cette précision que vous nous faites à l'entame de cette émission. Alors nous allons entrer de plein pied maintenant dans le vif du sujet. On était un peu dans le rappel mémoire de ce qu'on a eu à dire ici vendredi dernier, et aujourd'hui nous sommes là pour poursuivre avec ce thème ô combien intéressant et alléchant. Alors, la semaine dernière, deux franges qui s'opposaient, on se disait, voilà, le parler en langue qui se fait ou alors qui se vit aujourd'hui dans les églises n'est pas celui qui était recommandé dans les saintes écritures. Comment devons-nous parler en langue, véritablement? Et aussi, je souhaite que vous nous montriez, vous qui êtes, qui avez été convoqué, oui, et qui êtes spécialiste à la lumière de la parole, par la lumière de vos intelligences, oui, que vous puissiez nous amener à comprendre comment aujourd'hui on devrait normalement parler en langue, puisque ce n'est pas ce qui est fait de manière générale dans les églises. Voilà. Évangéliste. Bonne question, c'est une bonne question qu'il va falloir qu'on aille vraiment méthodiquement au travers des Saintes Écritures. La dernière fois, j'avais dit qu'il y avait la prophétie de cette langue-là dans le livre de Marc au chapitre 16, verset 17, où le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui avait dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Oui. Donc ça suppose que de la vie du Seigneur Jésus-Christ quand il était physiquement là, ces manifestations n'avaient pas encore été là. Mais il y avait quand même les guérisons que les disciples opéraient, mais pas par le Saint-Esprit habitant en eux. Donc nous avons vu donc que dans Marc au chapitre 16, le verset 17, là, c'est prophétisé dans la promesse de cette langue-là, enfin, puisque c'est la langue qui nous intéresse, il y a plusieurs autres paramètres donc, là-bas. Mm-hmm. Donc dans Marc chapitre 16, mais c'est la langue qui nous intéresse. Il a dit, ils parleront des nouvelles langues, c'est ce qui est écrit là-bas. Jusque-là, aucun renseignement ne nous a dit sur la nature de la langue, parce que la question vous posez maintenant, pose le problème de la nature des langues, le style de langue qui se pose par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Et nous avons vu effectivement que l'accomplissement de cette langue-là, de cette prophétie-là, et on ne peut pas dire le contraire, parce qu'il faut que c'est que le Seigneur Jésus a dit, vient en existence. Nous avons vu que, et nous avons convenu que l'Écriture nous démontre à Actes chapitre 2 que cette manifestation est venue vivante à Actes chapitre 2. Et puis maintenant, il y a eu l'utilisation. Il faut noter qu'il faut que les auditeurs notent d'abord, premièrement, que le livre de 1 Corinthiens, le livre de Corinthiens est écrit, ce n'est pas écrit à la même période que les Actes des Apôtres. Donc, le livre de Corinthiens a été écrit longtemps après. Ça veut dire que Actes des Apôtres circulaient. Par la suite, les livres de Corinthiens étaient là. Donc, ça veut dire que quoi? L'apôtre Paul, et si vous lisez Actes des Apôtres, vous allez voir effectivement que Luc et l'apôtre Paul se côtoyaient. Ils voyageaient ensemble. Donc, Luc devrait connaître l'enseignement de l'apôtre Paul au sujet, à ce sujet. Les actes des apôtres, comme les autres épîtres, circulaient au milieu des églises dans cette époque-là, c'est-à-dire que les chrétiens lisaient les mêmes choses que nous lisons aujourd'hui, en lettres, à la différence que nous les avons maintenant regroupés dans un seul livre. Donc, ceci dit, Actes chapitre 2 nous montre effectivement que la manifestation du Saint-Esprit a été donnée. Maintenant, Actes chapitre 2, il parle de la manifestation de la prophétie que le Seigneur Jésus a donnée. Par la suite, maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 11, enfin chapitre 14, l'apôtre Paul va parler de l'utilisation, c'est-à-dire de l'utilisation par rapport au milieu de l'assemblée, par rapport à ordonner les choses. Donc, on convient donc ceci. Si c'est la même chose dont Dieu en a parlé, Jésus a parlé dans Marc chapitre 16, qui est manifesté à Actes chapitre 2, et donc on en a corrigé dans Actes chapitre, dans 1 Corinthiens chapitre 14, il faut qu'on admette donc qu'on a fait fausse route, que les pentecôtistes ont fait fausse route depuis un certain temps, comme j'ai dit la dernière fois, parce que, effectivement, Actes chapitre 2 nous met les choses au clair, que les langues qui étaient parlées là-bas étaient des langues humaines. Et maintenant, il faut aussi arriver à une autre considération. D'où vient-il que les docteurs spécialistes même de la langue, des linguistiques même, au courant des siècles, ont fait fausse route en interprétant. Où est-ce qu'ils sont tombés? Où est-ce que le pentecôtisme est sorti avec ces styles de charabia et ces gazouigui qu'on voit aujourd'hui? Donc c'est là qu'il faut poser la question et voir pourquoi. Alors, je vais vous relancer avant que Charlie Bakoudi ne pose sa question à l'homme de Dieu, le prophète Georges Guillaume, parce qu'il semblait vouloir la poser. Vous nous avez fait comprendre que effectivement les langues qui avaient été parlées dans Acte 2, quand le Saint-Esprit est descendu, étaient des langues humaines. Absolument. Les contemporains les écoutaient effectivement dans leur langue. Dans leur propre langue. Absolument. Ok. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que le parler en langue aujourd'hui, telle que recommandée par la Bible, devrait être des langues humaines? Absolument. Un peu comme le bassa, un peu comme le wondo, le boulou. Absolument. Autrement dit, ce que nous entendons par parler en langue qu'on a essayé de faire pour faire obstacle à ce que la Bible entend est une falsification de la réalité des langues dans la Bible. C'est ce qu'il veut dire en clair. Alors, vous inscrivez en faux. Ça veut dire que c'est balbutiement des lèvres qu'on voit aujourd'hui dans le milieu pentecôtiste. N'est pas ce que la Bible enseigne par parler en langue. D'accord. Donc, le parler en langue authentique, ce sont des langues humaines. Donc, il s'agirait des langues humaines. C'est ça, exactement ça. Et il faut qu'on établisse ça tout au long de l'écriture maintenant. Donc, Charlie Bakoudi. Des langues humaines, comme dans Acte 2, verset 8. Absolument. Mais, prophète Georges Guillaume Dio, existe-t-il une langue des anges? Voilà. Nous y voilà. Et effectivement, quand nous lisons la Bible, on ne nous démontre pas clairement. C'est-à-dire, on parle, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. Qui essaie de mentionner, même si tu parles la langue des anges, mais on ne précise pas les trois premiers versets, effectivement. Alors, pour pouvoir, moi, je pense que nous avons tout dans les Saintes Écritures, que ce soit la marche chrétienne ou bien pour pouvoir discerner un certain nombre de choses dans le corps du Christ. C'est-à-dire, pour moi, pour pouvoir discerner si notre parler en langue est véritablement à savoir s'il vient véritablement de l'Esprit. Donc, il faut s'appuyer dans les Saintes Écritures et il faut éprouver, c'est-à-dire ceux et celles qui font En leur posant des questions. Ils se fâcheront. On doit s'appuyer dans les Saintes Écritures, par exemple, Matthieu, au chapitre 24, à partir du verset 11 à 24, Jean, chapitre 8, verset 31, Galates 1, verset 9. C'est-à-dire, nous avons ces Écritures, nous démontrent la dimension de celui-là qui parle en langue. Est-ce que il est vraiment rempli? Parce que le but premier de notre Seigneur Jésus-Christ était de baptiser les disciples dans le Saint-Esprit. Parce que les disciples ne pouvaient pas commencer l'œuvre de Dieu sans être baptisés dans le Saint-Esprit. Lui-même aussi, quand tu regardes les Saintes Écritures dans les Évangiles, il ne pouvait pas commencer, c'est-à-dire la mission par rapport à son ministère sans avoir reçu la puissance du Saint-Esprit pour l'œuvre que le Seigneur lui a l'Éternel lui a confiée. C'est la même chose avec nous disciples de Christ, serviteurs de Dieu. Si nous ne faisons pas ce travail pour la gloire de Dieu et pour que le Seigneur se glorifie, le chrétien, le serviteur doit se connecter, c'est-à-dire à l'Esprit de Dieu par rapport à sa marche chrétienne, parce que l'Esprit de Dieu habite le croyant, ce croyant qui est vrai, qui a confessé Christ, c'est-à-dire nous avons démontré de différentes manières. Ça veut dire que tu peux confesser Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Tout dépend, c'est-à-dire par rapport à Paul, démontre qu'il est parti en voyage missionnaire, il a prié sur les gens ont commencé à prophétiser, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc moi, je pense que le parler à langue, j'insiste dessus, c'est un don spirituel comme les autres. Et pour je suis en disant qu'il faut éprouver les esprits à travers la parole. Alors, est-ce que l'apôtre Paul, dont vous semblez faire mention, Évangéliste Chapdan, dans le professeur Guillaume Dio, vous parlez, vous avez cité l'apôtre Paul, est-ce que l'apôtre Paul nous dit, est-il pas que celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu? Voilà. Voilà. Et si il dit des mystères à Dieu, ça veut dire forcément que les contemporains, ou alors ceux qui sont autour de lui, ne peuvent pas comprendre ni encore écouter. Alors, de quelle langue à ce moment s'agit-il, puisque on est tous à fait d'accord sur cette déclaration que ce ne sera pas une langue audible par ceux qui seront effectivement à côté de lui? Écoutons l'apôtre Paul et voyageons à Jérusalem ensemble. Portons les auditeurs, transportons-nous à cette fête de la Pentecôte à Jérusalem et écoutons. Nous y sommes. Il y a trois groupes donc maintenant. Oui. Il y a donc les gens qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont en train de parler en langue. Il y a des juifs qui sont autochtones, les indigènes qui sont sur place, qui n'entendent que l'araméen. Il y a donc des juifs qui sont du sort de la diaspora et qui sont venus là-bas et qui connaissent donc les langues des pays d'où ils sont sortis. Dans ce livre de Actes chapitre 2, il est fait mention de 15 langues représentées là-bas. Maintenant, ces trois groupes là-dedans, il y a le premier groupe, les croyants qui parlent en langue, en d'autres langues. Il y a donc ceux donc du groupe des nations de la diaspora qui entendent cette langue-là. Il y a donc le troisième groupe, les autochtones qui n'y comprennent, qui n'y pigent rien, et ce sont eux donc ceux-là donc qui ont commencé à prendre en dérisoire en disant que ceux-ci sont pleins de vin doux parce qu'ils ne comprenaient pas. Or, maintenant, vous posez la question, on dit les mystères de Dieu. Effectivement, les mystères de Dieu étaient là, les merveilles de Dieu étaient dites là-bas, les uns étaient pour les uns, c'était des scandales, puisqu'ils ne comprenaient pas la langue qui était prononcée. Par exemple, s'ils prononcent le mystère de Dieu en bamileke, vous ne pourrez pas comprendre certainement si vous ne comprenez pas. Je veux qu'on revienne un peu. Mais sauf qu'un bamileke comprendra. Voici la chose. Vous permettez. On dit qu'il dit des mystères à Dieu. Oui, à Dieu. Ça veut dire que le mystère est dit à Dieu. Absolument. Vous rejoignez l'écriture qui dit effectivement, c'est pour ça qu'il faut qu'on corrige ces choses. Les gens bavardent les langues partout. Enfin, ce qu'on appelle langue là maintenant, parce qu'en fait c'est tellement faux que c'est un peu comme on dit que je m'en vais à l'église, qui est aussi faux. Donc je suis dit qu'on bavarde ces langues là n'importe comment, on bavarde ces langues là partout. Pourtant 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2 dit: celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car c'est un esprit qui dit des mystères, personne ne le comprend. Il faut vraiment qu'on reste sur ce verset et puis on parle. Effectivement, si personne ne le comprend, ça revient donc à ma question. Ça veut dire que on l'écoute mais on ne le comprend pas. C'est là il faut comprendre que tu permets moi, je lis donc deux passages de l'écriture. Allons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 3. Ézéchiel, les auditeurs à la maison peuvent prendre la Bible rapidement. D'accord. Parce qu'effectivement qu'il faut qu'on y aille. On y va. Puis prépare le Ésaïe chapitre 5. Donc je prends rapidement Ézéchiel là au chapitre 3. Ézéchiel bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse à la maison alors que vous nous écoutez. Ézéchiel chapitre 3. Donc je vais lire rapidement. Ézéchiel chapitre 3, je lis à partir du verset 4 jusqu'au 7. Suivez attentivement. D'accord. Il me dit: fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue inintelligible dont tu ne comprends pas les discours. Si je l'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Voici la commission du prophète Ézéchiel qui est donnée. Dieu lui dit, Dieu veut spécifier le groupe vers qui il est en train d'envoyer. Oui. Il dit que je ne t'envoie pas vers un peuple aux langues obscures, inintelligibles, dont on ne comprend pas. C'est ce que Dieu est en train d'utiliser comme langage. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention. Quand on dit qu'on ne comprend pas, ça se passe donc que tu entends effectivement les syllabes qui sont prononcées, mais le contenu du message qui est vocalisé, tu ne comprends pas, tu ne saisis pas. Ouais. Donc Dieu dit ici à Ézéchiel que je t'envoie vers la maison d'Israël. Ça se passe que tu vas parler en langue araméen, ils vont comprendre, ou en hébreu, ils comprendront. Mais si je t'enverrais, si je t'envoyais vers un peuple, par exemple les Syriens, ils ne comprennent, ils parlent. Leur langue, c'est une langue qui parle entre les Syriens, ils vont comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Mais tu vas bon entendre le son, entendre bien les articulations, mais tu ne comprendras pas le contenu. Donc ça veut dire quoi? Il faut aussi circonscrire la chose qui se passe dans 1 Corinthiens chapitre 14. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul est en train d'écrire depuis l'Asie, écrivant comme ça à l'église de Corinthe, parce que c'est les Grecs. La situation qui se passe dans Actes chapitre 2 est différente en ce sens-ci, c'est que à Jérusalem se trouvent représentées 15 nationalités. Et parce que c'est une fête des Juifs, et les Juifs sont de partout. À Corinthe, principalement, c'est le grec. On se comprend. Donc, à Corinthe, c'est principalement le grec. Donc, si quelqu'un qui est grec, si c'est qui s'est présenté à Jérusalem, s'est présenté, j'ai dit l'occasion des 15 langues, s'est présenté à Jérusalem, parmi les 15 langues qui ont été parlées à Jérusalem, c'est seulement le grec qui comprend. Ceux de Corinthe vont comprendre le grec. Ça veut dire que celui qui est sorti de Rome et qui, la langue qui va être dit là-bas qui est romain, le grec pour lui ne comprendra toujours pas. C'est pour ça que l'apôtre Paul a insisté qu'on traduise ce qu'on en avait dit, pour qu'on puisse saisir. Donc, ça n'a, tout à l'heure, le prophète parlait des 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 3, dont il est question. Si vous remarquez dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'apôtre Paul parle, si je parlais des anges, des anges et des hommes, et que je n'ai pas de l'amour, cela ne sert à rien. Il y a trois choses qu'il va dire là-bas jusqu'au verset 3. C'est ce qu'on appelle effectivement les hyperboles rhétoriques. Ça veut dire qu'il ne veut pas dire qu'il parle en ces langues-là. Oui. Bon, ok. Charlie, tu te laisses la main? Oui, bien sûr. Alors, homme de Dieu, prophète Georges-Guillaume Dio, nous écoutons régulièrement du parler en langue dans nos églises. Je ne veux pas imiter, mais c'est un balbutiement de lèvres et tout cela, avec un son qui est produit. Mais d'où vient ce parler en langue? Ce parler en langue, vous savez, partout là, le vrai, il y a l'imitation. Parce que le parler en langue, c'est-à-dire, selon ce qu'on définit, c'est-à-dire le parler en langue, le croyant se sert du parler en langue pour s'adresser à Dieu lors de son culte personnel et ainsi définit sa propre vie spirituelle. Parce que comme Tchabdallah dit tantôt, il y a ceux qui parlent en langue avaient besoin des interprètes. Oui. Ça veut dire que le parlant en langue, celui-là qui vit dans la plénitude avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans sa relation avec Dieu, il dit des mystères de temps en temps pendant des périodes de culte, pendant des périodes de prière, beaucoup plus même en aparté. Or, ce qui se passe à l'église, on enseigne le parler en langue, c'est archi faux, c'est pas normal. C'est-à-dire, dans 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 4, vous pouvez le vérifier, toujours dans 1 Corinthiens 14, verset 15 à 28, c'est-à-dire, le Seigneur en train de... C'est-à-dire, il faut qu'on s'appuie dans la parole de Dieu pour, comment dirais-je, faire notre marche chrétienne en bonne et due forme. Alors, pour la gloire de Dieu. Je veux revenir pour mieux comprendre. Est-ce qu'on n'est pas en train d'un peu se perdre entre les deux termes, parler en langue et diversité de langue? Oui. Parce que je reviens à vous, évangéliste, vous avez fait, c'est-à-dire un bel aperçu de ce qui était le parler en langue, tout en dénonçant ce charabia, entre parenthèses, qui est fait aujourd'hui. Absolument. Alors, si on comprend et qu'on voudrait comprendre, on se rend compte que, effectivement, il y a cette diversité de langues où on parle plusieurs autres langues qui peuvent être audibles par d'autres personnes, mais jusqu'ici, on n'arrive pas à cerner le parler en langue dont on fait mention dans la parole de Dieu, que ce sont des mystères qu'on dit à Dieu. Voilà, donc maintenant, il faut que je mette les points sur les i. On freine maintenant là, parce que le feu est au rouge. Il n'y a pas deux styles de langue dans la Bible, dans le Nouveau Testament dont on parle. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on convienne donc que c'est de la langue dont il est question dans Actes des Apôtres qui est développée là-bas. Lorsqu'on parle de diversité, on dit qu'à l'un est donné ceci, à l'un est donné la guérison, à l'un est donné les miracles, la foi, la prophétie, la connaissance, ainsi de suite. Et puis, là-bas, on dit le don de parler diverses langues. Oui. Ça suppose que le Saint-Esprit, c'est en ce sens-là que c'est un don spirituel. Voici, si quelqu'un apprend cette langue, il parle 8 langues de dialectes, je parle des langues de dialectes différents, et qu'il a appris, ce n'est pas un don spirituel. Par exemple, aujourd'hui, dans les dénominations, on voit effectivement comment quelqu'un parle en langue, l'autre interprète. Il y a quelqu'un à côté qui prêche, qui interprète le message en une autre langue. Quand quelqu'un voyage, qu'il est francophone, il va dans un pays des Chinois, il y a un Chinois qui entend en même temps l'anglais et le français. Là, ce n'est pas un don spirituel. Il a appris cela quelque part. Voilà. Oui. En ce sens, voici là où le don spirituel vient. Quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, Dieu lui donne la capacité spirituelle de s'exprimer en une langue qu'il n'a pas apprise et que peut-être lui-même n'est pas au courant de ce qu'il a dit. Langue des hommes. Mais là, on parle de diversité de langues. C'est là où il y a diversité de langues. C'est là où il y a diversité. Absolument. Maintenant, parlez donc en langue. Parce que c'est là où le Babel est. En réalité, la Bible la plus répandue sur terre maintenant, c'est Louis II. C'est là où on a écrit parler en langue. En fait, c'est parler des langues étrangères, des langues inconnues. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous voulez nous faire comprendre que dans d'autres Bibles, qui ne seraient pas des Louis II. Absolument. On ne fonctionne pas parler en langue, on se limite à diversité de langue. En fait, je vais dire, c'est que ce qu'on a traduit par parler en langue, parce qu'on dit parler en langue, quelqu'un du 19e, 21e siècle connaît exactement ce qu'il y a passé dans l'église pentecôtiste. C'est ça notre question. Mais ce que l'écriture dit, parce qu'en réalité, il y a une règle de l'écriture, l'interprétation de l'écriture qui dit ici, que les mêmes mots utilisés pour dans les expressions différentes disent les mêmes choses. Or, Luc utilise les mêmes mots, glossa, quand ça ne se réfère pas à la langue, l'organe, ça se réfère effectivement à la même chose, au dialecte, et sont les dialectes connus. D'accord. Donc ça veut dire que Luc l'utilise dans Actes des Apôtres, l'apôtre utilise les mêmes terminologies en grec. Ça se trouve que c'est la même chose dont il en fait part. En fait, puisque que si nous lisons le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 20 et suivant, après que l'apôtre Paul a de fustiger l'utilisation et la façon dont il utilise de façon abusive les dons spirituels dans l'église, à partir du verset 20, il va dire, il est écrit dans la loi, il est écrit dans la loi en citant Ésaïe chapitre 28, verset 11, il va dire, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes au peuple balbutinant, par les langues des autres peuples que je parlerai à ce peuple-ci, pour montrer effectivement que l'apôtre Paul sait de quoi il en est de parler. Après le chapitre, au verset 18 et suivant, là, il va dire quoi? Que quelques langues qui soient, qui existent sur la terre, il n'est pas de langue qui soit inintelligible. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que même si quelque chose, tu entends une langue sur la terre, quelqu'un a une interprétation quelque part, bien, ça signifie quelque chose quelque part. D'accord. Après, il va dire donc que si les instruments musicaux, c'est-à-dire les flûtes ou quoi que ce soit, rend un son construit, ça veut dire que si vous prenez quelque chose, vous tapez un son constant. Si ce n'est pas articulé, c'est pour ça qu'il y a le la, le do, le la mineur, le ré, ainsi de suite, pour pouvoir donner les mélancoliques. Ça veut dire qu'il faut que, il dit, comment saura-t-on ce qui a été fait sur la flûte ou quoi que ce soit? Après, il dit, de même, quelques langues qui existent sur la terre, il y a l'interprétation quelque part. Et, pardon, c'est sur la terre. Nous y reviendrons, Évangile. Rappelons qu'il est 19h passé de quelques minutes, le téléphone peut être ouvert, 243-07-56-32 et par SMS au 699-49-37-90. Et surtout, dans ce acte chapitre 2, si dans votre Bible il y a une autre version que celle de Louis II, eh bien partagez-la avec nous. Prophète Georges Guillaume Dio, vous arrive-t-il souvent de prier? Et pendant que vous priez, puissamment concentré dans la prière, votre langage se confond. Et vous commencez à parler quelque chose que vous ne comprenez pas vous-même. Mieux, Charlie Bakoudi, pour conforter votre question à l'endroit du prophète Georges Guillaume, oui. Est-ce que l'homme de Dieu qui est constamment visité par l'Esprit de Dieu et qui est souvent, je vais dire, en parfaite, en relation avec Dieu, est-ce qu'il pense que ce Dieu-là, dans sa souveraineté, peut descendre sur un homme et amener cet homme à dire des choses que nous, humains, aujourd'hui, estimons que ce soit du charabia? Est-ce que vous pensez que Dieu puisse le faire? Première question. Voilà, première question, voilà. Oui, effectivement, moi-même, ça m'arrive quand je suis dans des programmes de prières de retraite spirituelle. À faire du charabia, c'est qu'on appelle du charabia. Pas du charabia, non, le véritable problème, c'est quoi? Quand ça m'arrive, c'est-à-dire, je suis dans des programmes de sanctification, parce qu'il y a deux choses. Le Saint-Esprit nous accompagne dans la régénération et dans la sanctification. Mm-hmm. Ça veut dire qu'un chrétien qui est né de nouveau a le droit, c'est-à-dire, c'est déjà un acquis d'avoir le Saint-Esprit. Oui. C'est-à-dire, celui qui vit en esprit et en vérité. D'accord. Et ça veut dire que quand le Saint-Esprit commence, c'est-à-dire, l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu se confondent pour qui est ce charabia. Et ça veut dire que quand ça arrive, le Seigneur même, il y a une interprétation, c'est-à-dire après ça, c'est-à-dire tout ce que le Seigneur me dit à travers la langue, c'est-à-dire c'est des prophéties, c'est des révélations. D'accord. Vis-à-vis à travers certaines situations. Donc, vous parlez de votre cas, que ça vous est déjà arrivé plusieurs fois. Quand je suis en retraite spirituelle, parfois je fais des programmes. C'est intéressant là, c'est intéressant. Et là, je fais des programmes, par exemple, de un mois de prière, c'est-à-dire avec, si je peux mentionner, jeune, c'est à un certain niveau, avec jeune, je suis dans l'état de sanctification. Ça, la vie d'un serviteur de Dieu doit se sanctifier à tout moment. Et quand tu es sanctifié, ça dit que ce soit les chrétiens ou les serviteurs. Et je vais vous rappeler une chose, si tu es né de nouveau, quel que soit ton niveau spirituel, ça dit les prophéties, celui qui est rempli du Saint-Esprit, quel que soit, parce que le don du prophète, c'est un don du ministère. D'accord. Ça dit pour dénoncer les péchés au sein de l'assemblée. Ça veut dire que tous les chrétiens et les chrétiennes qui sont remplis du Saint-Esprit peuvent avoir ces révélations. D'accord. À travers. Prophète, je vous relance juste pour permettre aux auditeurs de bien comprendre. Ça veut dire vous confirmer que lorsque vous priez puissamment concentré, il arrive des moments que votre langage se confonde, se trouble. Et je vous dis et que personne ne peut écouter, mais personne ne peut entendre. Parce qu'il peut écouter le son, mais il ne peut pas comprendre ce qui est dit dans le son. C'est bien ça. C'est bien ça. En aparté, je dis bien quand je suis dans les programmes de prière. Voilà. Et moi, en tant qu'homme de Dieu, je me sanctifie chaque jour, c'est dit de demander la grâce de Dieu pour qu'il m'aide dans la sanctification. D'accord. Vivre dans la vérité en ces moments-là, pendant les programmes de retraite, il m'arrive souvent. Fait, alors, à ce moment, on peut dire que vous parlez en langue. Parler en langue, comme ça dit, en tant que don spirituel, oui. Mais pas parler en langue. Mais qui n'est pas différent de ce que les pentecôtistes font là aussi, qu'on entend là. À quoi est-ce que vous savez? Alors, voilà, justement. Évangile, je vous relance. Voilà. Si on s'en tient au propos de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, le prophète, qui dit que quand il est dans en retrait, dans la sanctification, il lui arrive de parler des langues qu'il ne comprend pas et qui ne seraient même pas audibles par d'autres personnes. Oui. Mais vous, tout à l'heure, dans votre. Compréhensible, justement. Oui, compréhensible, pas audible, mais compréhensible. Vous, dans votre propos, vous avez taxé traiter cela de charabia. Absolument. Est-ce donc à dire que l'homme de Dieu fait, il fait du charabia? Il fait du charabia. Il n'est pas exceptionné. Il n'est pas exceptionné de mes reproches. Ça veut dire qu'il y a faute quelque part. Parce qu'en fait, il est né dans un mouvement qui est pentecôtiste. Ouais. Ça veut dire que c'est infecté. Je vais vous dire quelque chose. J'arrive, je vais dire quelque chose. Ouais. C'est-à-dire que les êtres humains sont conditionnés. C'est sur le fait que je ne suis pas né dans le mouvement. Non, je veux dire, je ne dis pas que vous êtes. Je suis serviteur. Non, je ne dis pas que vous êtes né par exemple dans une famille. Je veux dire ceci, c'est que l'atmosphère spirituelle qui sévit depuis le 18e siècle, c'est conditionné par ce mouvement-là. Ça se passe que lorsque vous priez pour quelqu'un, avant d'entrer à la mission, il y a quelqu'un qui me disait, parce qu'il savait que c'était langue que nous devons parler, il m'a dit qu'il y a un pasteur qui l'a vu là-bas, il l'a amené à un bar, il a dit que comment ça dit blablabla, pour que le diable n'entend pas, parce qu'il voulait prier pour qu'il reçoive les langues. Ouais. Maintenant, quand il va recevoir la langue, il a dit qu'il a dû dire comme ça. Un autre m'a dit que quand on a prié pour lui, on tape sa tête jusqu'à ce qu'il a dû verser blablabla rapidement pour laisser sa tête. Et quand il va savoir, quand il va sortir de là, qu'est-ce qu'il va dire? On est en train d'apprendre à parler alors, mais c'est pas absolument. Mais de toute façon, je vais dire ceci. Lorsque le prophète est en train de parler, vous voyez très bien qu'il y a plusieurs gars, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en réalité, ça se pose qu'il faut qu'il se trouve à un moment donné pour pouvoir exercer cela. Parce qu'il a dit que lorsqu'il est à une retraite, il veut dire que ça, c'est l'expérience. C'est ça. Expérience. Bien sûr. C'est là où je disais donc que dans cette émission, ce qu'il faut avoir à peur d'avoir confronté notre expérience à la lumière de la parole de Dieu. Oui. Qu'est-ce que la parole dit? L'apôtre Paul dit, je parlerai avec avec mon esprit, je parlerai aussi avec intelligence. Après, il dit, j'aime mieux dire 10 paroles en intelligence pour que les autres soient édifiés que 1000 paroles, que 10 000 paroles en langue. Ça suppose qu'il avait le contrôle sur les langues. Ça suppose donc qu'il avait le contrôle. Parce que si à un moment donné, il va falloir que vous entrez dans une dimension pour faire quelque chose que vous ne maîtrisez pas, ça suppose donc que vous donnez raison aux pentecôtistes qui disent, j'ai ma bouche, je ne peux pas mettre, c'est pour ça que je ne peux pas s'éteindre dans les langues. Évangéliste, moi, avant vous, prophète Georges Guillaume Joe, avant vous, évangéliste, je repose la même question. Oui. Est-ce que vous pensez que Dieu, dans sa souveraineté, peut décider de faire parler à une personne, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, des langues qui ne seront pas compréhensible sur le plan humain, sur le plan humain, mais est-ce que vous le pensez? Ça, c'est non, parce qu'en réalité, vous ne le pensez pas. Non, c'est pas possible. Ça veut dire que Dieu, dans sa souveraineté, je vous explique la souveraineté de Dieu. Donc, dans ces cas-là, ce que la Bible déclare, Dieu ne fait pas quelque chose pour blaguer. Il ne fait pas juste un cirque. Dieu s'y conscrit, sa façon de fonctionner, c'est d'après sa parole. La Bible déclare donc que. Si vous lisez tous les écrits ou des rencontres angéliques avec les êtres humains sur cette terre-ci, ils ont toujours parlé les langues humaines. Lorsque vous lisez la révélation, lorsque le prophète Esaïe, en chapitre 6, a reçu sa commission, il a vu les séraphins, on lui a parlé en langue hébraïque. Quand l'apôtre Paul a rencontré Jésus dans la rue, il a parlé en langue hébraïque. Quand Jean a été transporté dans le ciel, c'est ici qui est marquant, parce que là, nous trouvons au ciel. Il entendait clairement ce que les anges disaient. Et la Bible déclare, va même plus loin en disant que au ciel, tous chantent de façon unanime. Ils chantaient un cantique, ils disaient gloire à celui qui est assis sur le trône, et ils se prosternaient, ils parlaient tous ensemble au même moment. Dans ces cas, maintenant, voici là où c'est le bas blesse, parce qu'il faut que les gens y réfléchissent. Une personne va dire blablabla, l'autre dit blablabla, l'autre dit titi, l'autre dit ça. Ça fait au moins 5. S'il y en a 3 000 pendant 10, ça fait 3 000 sifflotements différents. Vous savez combien de langues dans... vous connaître dans ces. Je vous ai dit dans une émission que j'ai piste tous ceux qui luttent contre le roi de mon père. Je chute vraiment ici là. Je vais dire que s'il y a plusieurs langues, parce que par exemple, si un Bamileke, un Bangante va à New York, encore un Bamileke, ils vont parler de la même façon. Donc, ce sont la langue des anges. S'il y a des langues des anges qu'on ne peut pas comprendre, ça se pose donc que toutes les langues devaient être identiques, parce qu'il y a une seule langue. Alors, Charlie Bakoudi, l'homme de Dieu a dit quelque chose de très intéressant. Je voudrais revenir là-dessus. Non seulement il précise que c'est quand il est en retrait, voilà, mais il a dit que à ce moment précis, oui, il a la traduction de ce qu'il dit dans ce. Il dit qu'effectivement, il a effectivement comme une voix qui lui fait une traduction. Je sais pas, peut-être vous allez mieux. Le véritable problème, c'est quoi? Je veux dire, on ne peut pas. Dieu est souverain, tout ce que Dieu a dit, s'il y a, c'est pas la Bible démontre, c'est-à-dire il y a les dons particuliers par rapport au parler en langue. Alors, je continue, j'insiste. Moi, ça m'arrive, ça dit, nous lisons les Saintes Écritures, nous appuyons sur la parole de Dieu. Le croyant, c'est-à-dire celui qui est dans la plénitude avec le Saint-Esprit de Dieu, c'est-à-dire il se retrouve en train de dire les mystères. Vous pouvez le vérifier dans 1 Corinthiens au chapitre 14 à partir du verset 7. Ça veut dire que tu parles le langage de l'Esprit, c'est-à-dire donc, en tant qu'homme spirituel, raison pour laquelle les apôtres, même Christ même ne pouvait pas commencer sa mission. Ça veut dire, ça c'est un don spirituel qui est réel. Le Seigneur Jésus a exercé tous les autres dons spirituels, sauf parler en langue et l'interprétation. On le refuse, mais le véritable problème c'est que même le jour de la Pentecôte, les gens ont parlé en langue. La continuité du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vous et moi. Absolument. Ça veut dire que ces mêmes dons existent. Il y a des hommes, moi je suis d'accord. encore. Oui, prophète, que des hommes la même chose, est-ce que c'est la même chose qu'on voilà les Écritures, lisez 1 Corinthiens chapitre 14, 6, 7, ça veut dire que le chrétien ou le serviteur qui est vrai, qui parle en langue, est confronté à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, il est en connexion avec le Saint-Esprit. Donc, c'est ça le problème en train de dire. Donc, vous allez le vérifier dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 15 à 28. Vous allez le vérifier dans 1 Corinthiens, toujours 14. Vous allez 1 Corinthiens 13. C'est-à-dire, oui. Tout ce que c'est ces déclarations, ça veut dire que les langues, c'est-à-dire parler en langue, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve en train de dire, c'est-à-dire quand on est dans l'adoration, dans un culte, c'est-à-dire en retrait, c'est-à-dire notre relation, c'est quoi? C'est que le chrétien, le serviteur doit avoir une relation efficace avec le Seigneur, le Très-Haut, c'est-à-dire qu'il nous a donné son Fils. Mais à quoi se donne le don spirituel? Si je peux juste expliquer en lisant un passage biblique de 1 Corinthiens 14 au verset 14, effectivement, oui. Il dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Absolument. Mais ça conforte un peu ce que disait le prophète. Il faut aller à la nature. Son esprit est en langue, mais son intelligence demeure stérile. Regardez, vous isolez le verset. Vous isolez le verset. Je recommence encore, si. L'apôtre Paul est en train d'expliquer d'une certaine chose qui se trouve dans 1 Corinthiens. Si on avait le temps dans l'émission, on peut prendre verset par verset, on recommence jusqu'au dernier verset. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après, il dit que il est écrit dans le livre des prophètes que c'est par la langue d'un autre peuple qui parlera à ce peuple, il ne me comprendra pas. Pour dire clairement que, après, il dit par conséquent, ça c'est dans le livre des prophètes. Je vais vous poser une question. Oui, est-ce que parler en langue, vous n'acceptez pas que c'est un serviteur digne de Dieu qui est dans la prière? Je crois qu'ici c'est sans ambiguïté. J'ai dit ici qu'il y a le parler en langue tel que la Bible en te dit. Le silence, c'est un serviteur peut parler en langue, une langue qui n'est pas digne de Dieu. Voilà, quelle que soit la personne, qu'il soit archibishop, qu'il porte les chapeaux du pape. S'il parle une langue qui ne se trouve pas sur la terre, il est possédé. Je vous pose une question, Richard. Comment savoir donc effectivement que je suis en train de parler une langue qui ne se trouve pas sur la terre? Voici le premier indice. Si je suis seul. Si vous êtes seul, alors il y a un problème. Parce qu'en fait, vous avez reçu le Saint-Esprit à un moment donné. Vous avez reçu le Saint-Esprit parce que les langues ne sont pas avant le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient avant. Puis le langue suit au cas où. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est le Saint-Esprit qui a porté. Absolument. Oui. C'est pour ça qu'on a dû mettre l'accent. En réalité, tous les problèmes qu'on a déposés ici, là, tournent autour du baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un mauvais esprit au milieu chrétien. Donc, ce qui veut dire pour répondre à votre question, c'est ceci. C'est qu'en réalité, si on prononce la langue, voici un indice, donc on peut dire à tel point que ce sont les messieurs ce soir. S'il passe le temps à chaque jour, il fait rarararara. Chaque jour, c'est rarararara. Il y a un problème avec lui parce que les langues s'articulent. Ce sont des syllabes. Il faut donner un son qui émet un son. La parole dit que si la trompette ne rend pas un son compréhensible, qui se prépare au combat? Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un parle la langue, vous pouvez parler le chinois. Si vous entendez un chinois parler, un asiatique, quelqu'un parle le chinois, vous n'avez pas besoin de savoir que c'est un chinois. Vous savez que c'est le chinois, même si vous ne comprenez pas ce qui est dit. Mais le chinois prend le temps à dire. Il y a des articulations, des mots qui se blancent. Oui, moi, je vais te relancer. Dieu parle toutes les langues, il connaît toutes les langues. Toutes les langues sur la terre. Absolument. Sur la terre. Oui. Donc, et quand tu vois. Mais il n'y a pas de langue sur la terre qui veut dire. Il n'y a pas cette langue. On parle quatre langues avec l'esprit. On parle plusieurs langues. On a parlé tout à l'heure là des bâtiments. Quand on voit de où les sangles. Je vais te dire. Prenons la vie. Non, si le je profite, je vous laisse parler. Mais s'il me dit que les langues dont il est question dans chapitre 2, c'est ça qu'il parle, je suis d'accord avec lui. La discussion s'arrête. En fait, tu commences à voir et pourtant il n'a pas la connaissance sur le plan humain. Parce que toutes les langues, c'est donc pour cela que j'ai dit que voici l'indice. Si on prononce les mêmes mots, c'est un problème. C'est un problème. Parce que moi, j'ai déjà mon témoignage. Quand j'ai pris et que le Seigneur, ça dit la puissance du Saint-Esprit se manifeste en moi, ça dit je me retrouve en train de dire des mystères. C'est cohérent, des révélations et des prophéties. C'est les mêmes mots, mon témoignage. Et ça fait 10 ans que je suis dans le ministère. Au travers, ça dit des programmes de retraite spirituelle parce que le chrétien, ça dit quand tu vois le prophète ou le pasteur qui est connecté au Saint-Esprit, ça dit ne peut pas se lever pour, ça dit il faut que Dieu te mandate pour donner un message. Et pour que le message vienne, pour que Dieu te batte, tu dois être connecté à la prière et à la parole de Dieu. C'est vous-même qui devez corriger même l'apostasie et le risque qui se passe dans le sang. Si vous-même vous êtes dans le faux, les gens seront dans le danger. Alors, je ne dis pas que lui il est dans le faux. Je dis dans la parole de Dieu. Je ne dis pas que vous êtes dans le faux. Je dis pas que vous êtes dans le faux. En réalité, cette correction sur le milieu de l'église, ce sont les prophètes et les apôtres qui devraient avoir. Je vais dire depuis le parler en langue, ceux et celles qui sont connectés saisis bien mes mots, ou bien ma déclaration. Ceux et celles qui sont connectés au Seigneur, qui vit dans la vérité, dans la plénitude du Saint-Esprit, parce que j'ai démontré que même Christ même ne pouvait pas commencer sa mission sans le Saint-Esprit. Même les apôtres, ça veut dire que même nous, c'est la continuité du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez admettre donc que tous les pentecôtistes parlent en langue là, on n'est pas en procès contre les pentecôtistes. Non, c'est une autre question. C'est eux qui ont amené ça. Je vais rappeler que le téléphone est ouvert. Il faut qu'on dise aux auditeurs. Professeur Georges Guillaume, Évangile Tchabda, Charlie Bakoudia et votre permission. Vous pouvez nous appeler au 243-07-56-32. 243-07-56-32. Ou alors nous envoyer des messages au 699-49-37-90. D'entrée de jeu, j'ai parlé d'un saint débat. Nous allons écouter Jojo Malais. Jojo Malais, nous allons l'écouter avec le titre « Accepte mon offrande ». Jojo Malais, c'est un confrère. Un chrétien. Ivoirien. Un chrétien. Non, Camerounais. Camerounais. Camerounais, bien sûr. C'est une découverte, alors pour moi. Oh, Nkolo Nzambe. Yo Nzambe na bolingo, pe Nzambe na bomore. Salin Zambé na pikamwa Yamba mabonza nangai. Accepte mon offre, bien-aimé fils de Dieu. Agré mon sacrifice que je t'offre de tout mon cœur. Accepte mon offre, bien-aimé fils de Dieu. Agré mon sacrifice que je parle. On ne pourra pas prendre toute cette chanson en auditeur en ligne au 243-07-56-32. Allô, bonsoir. Allô? L'auditeur est en ligne. Allô? Bon, il s'en est allé. 243-07-56-32 et par SMS 699-49-37-90. Nous poursuivons notre émission avec des messages que nous avons reçus. Bien sûr, avec quelques messages. La vérité est que il existe un parler en langue chez les démons. Néanmoins, lorsqu'une personne parle en langue selon que l'Esprit de Dieu l'inspire, le maître de la confusion qui est le diable est confus, mais il est juste confus. Mais il existe un langage qui fait fuir le diable, celui de la vérité de la parole. Voilà. Pensons à Jésus face au diable dans le désert. Il n'a pas parlé en langue, néanmoins, il a vaincu. Donc, ne perdons pas l'essentiel qui est la parole, car beaucoup parleront en langue, mais iront en enfer. Merci à tout le panel pastoral. Le message est signé de Mathieu Yoshiva Bayemi. Bonsoir. Voilà. Merci. Allez, on prend l'autre auditeur qui est en ligne. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle, monsieur? Pardon? Vous nous appelez depuis quel quartier? Je suis depuis Grand Moulin. Ok, alors on vous écoute, vous êtes en direct. En effet, j'ai suivi le débat depuis la semaine passée. Et je l'ai encore suivi ce soir. Mais je voudrais dire quelque chose. La Bible dément. Ce n'est pas discuté au sujet du Saint-Esprit. Si on pêche contre le Saint-Esprit, cela ne peut pas être pardonné. Oui. Et ce débat, pour ma part, n'a pas sa place. Pourquoi? Parce qu'on peut dire des choses contre le Saint-Esprit en discutant sur le parler en langue. Donc, quand j'ai entendu l'homme de Dieu parler des bravabas, tout ça, ça m'a pas plu. Parce qu'il n'est pas Dieu pour connaître le mystère qui se cache derrière ces choses. Donc, moi, c'était ma part de contribution. Il y a des discussions que nous devions faire. Parce qu'il y a une question également qui ne peut pas répondre. Celui de savoir quel est montré que Dieu existe. Donc, pour ma part, il n'y a pas de débat à faire. Merci frère. Charlie Bakoudi, comment ne pas débattre sur des sujets qui divisent le corps de Christ? En réalité, ne pas y apporter de la lumière? L'auditeur doit comprendre que cette émission Lumière sur les ondes veut apporter la lumière sur les faits de société. Et qui sont discutés, bien entendu. Auditeur en ligne, allô? Allô? Non, il s'en est allé. Alors, j'en ai allé. Ouais. Évangile Tchabda, vous voulez... Oui, en fait, directement, c'est moi qui l'interprète. Donc, il faut que je bombarde rapidement la réponse. Vous n'êtes pas obligé de bombarder, Évangile. C'est pas la guerre. Vous n'êtes pas obligé de bombarder. La réponse, pas bombarder à quoi tirer à canon rouge. Je vais dire que... On prend d'abord un auditeur. Vous revenez tout à l'heure. Allô? Tu as tout le temps. Allô? Allô? Oui. N'ayez pas peur, on ne va pas vous bombarder, madame. Allô. Allô. Oui, c'est madame Dengue depuis Djokoti. Oui, alors madame, on vous écoute. Soyez la bienvenue, allez-y. Oui, je veux parler par rapport au palais en langue là. Oui. Allez-y. Si un peu comme que l'évangéliste a dit, raconte les choses ou quoi là-bas. Oui. Moi, je sais que. Madame, soyez poli, s'il vous plaît. Soyez poli. Excusez-moi. Le palais en langue, comme moi, je sais que je disais le dit, ça fait partie des miracles qui accompagnent ceux qui ont. Et le palais en langue, il y a deux histoires, il y a deux différents, deux types de palais en langue. Il y a le palais en langue des anges, la langue des anges, et l'autre palais en langue qui est audible, que quelqu'un peut comprendre. Et donc, quand l'apôtre Paul nous dit que celui qui parle en langue parle à Dieu et personne ne l'écoute, d'abord ce sont les langues des anges. Et après personne ne l'écoute, personne ne peut l'entendre. Et maintenant, quand on dit que les langues des anges et tout ça, que ça n'existe pas, moi je ne suis vraiment pas d'accord par rapport à ça. Et quand on parle de la diversité des langues, là-bas ça rentre dans les dons spirituels. Ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ce don spirituel, mais pour le cadeau que Dieu offre à ses enfants, selon moi, c'est ça fait partie à le cadeau en langue qui fait partie de ça. Avec les miracles et les comptons. Mais quand je dis le pas et l'autre pasteur qui dit que ce n'est pas seulement le réservé, c'est un bon don qui est en respect ou bien je ne sais pas quoi. Moi, il m'arrive de parler en langue quand je suis en train de louer. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites quand vous parlez en langue, madame? D'accord. Merci infiniment, merci. Madame. Nous prenons votre brillante participation à cette émission. Nous allons, avant, il y a un message qui vous est adressé, évangéliste, avant que vous ne preniez la parole. Vous allez prendre d'ailleurs par ce message. Absolument. Un autre auditeur qui ne veut pas me laisser lire le message. On va prendre priorité au téléphone, Franck. Priorité au téléphone. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir, monsieur. Oui, comment on vous appelle? Pardon? Oui, allez-y. Merci. Merci. Bonsoir. Qu'il parle un peu fort. Donc parle, parle un peu fort. Frère, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Particulier, s'il vous plaît. C'est très important. Ça va nous déguster. Alors merci, c'est votre... Monsieur, merci, merci d'avoir participé. C'est votre première participation. C'est votre point de vue que nous respectons également. Alors évangéliste, je parlais d'un message que nous avons reçu, je vais le rendre rapidement public. Bonsoir, je voudrais que l'évangéliste fasse la différence entre le don des langues et le parler en langue. Mais voilà, voilà encore d'autres choses qu'il faut étayer encore ici. Mais je vais rebondir très rapidement. Rapidement. En fait, oui, la première partie, j'avais dit que je devais cogner. J'ai cogné aujourd'hui, les démons sont venus réagir. Cette femme-là, c'est ça au cours de théologie qu'elle avait essayé de réviser. Et effectivement, vous faites bien que j'ai balayé d'un revers de la main tout ce qu'elle a dit ici. Peut-être qu'elle a pris cela de coup, mais il va falloir qu'elle abandonne le cours. C'est vous qui n'êtes pas poli maintenant, évangéliste. Non, il faut dire la vérité. Si elle est dans une école de théologie, c'est là où on enseigne cette perversion-là. Donc, maintenant, par rapport à le premier qui a appelé, il a dit qu'on ne discute pas que la Bible déclare qu'on ne discute pas. Il n'y a pas aucun verset qui dit cela. Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'écriture a toujours été discutée. Et c'est celle qui explique qui a écrit les écritures. S'il n'a pas encore lu la Bible, qu'il lise 1 Jean chapitre 4, la Bible déclare que plusieurs antiques sont venus dans le monde. Par là, nous connaissons, c'est la dernière. Il dit ça, c'est l'esprit qui ne confirme pas ce qui venait en chair. Donc il y a un discernement qu'on doit faire. Si on ne fait pas de discernement, si l'écriture ne donne pas le carnaval pour donner le discernement, pour discerner toutes ces choses-là, on va laisser faire toute personne et faire n'importe quoi au nom de Saint-Esprit. Et ce discernement peut passer par un débat. Absolument. Il parle de blasphème du Saint-Esprit. En discutant sur le Saint-Esprit, mais sur les choses, ça ne veut pas dire qu'on a des blasphèmes contre le Saint-Esprit. Charlie, prenons rapidement cet auditeur. Ce sera le dernier de la journée. Allô? Oui, bonsoir. Allez-y, frère Jean, parlez un peu plus fort. Nous avons du mal à vous entendre. Vraiment, je suis très content que la radio pouvait organiser ce genre de défense. Je suis très content que votre, je suis depuis dans la voiture, je suis votre débat est très intéressant. Oui, merci. Une contribution. Oui. Vous m'entendez? Bien, allez-y, bien sûr. Allez-y. Je voudrais que l'évangéliste parle la soit un peu humble, soit que ça fait des bonnes choses, soit un peu humble. Le débat n'est pas qui va penser, ou qui va penser, soit qui soit, c'est un débat chrétien. Et il y a des parents, comme les enfants, ceux qui parlent aux enfants, donc je suis toujours à parler en langue. Quand il a dit là-bas, ça va s'arrêter. Les gens ont dit que tu parles de qui va faire une édition, donc les gens n'entendent pas. Parfaitement. Merci infiniment, cher frère Jean. Homme de Dieu, votre dernier mot avant le dernier mot de l'évangéliste. Après, Charlie, on va faire, on va conclure cette émission. Moi, mon dernier mot, le prêtre a appelé tout à l'heure, il m'a interpellé. Je veux une fois de plus donner l'élément de réponse par rapport au parler en langue. C'est un don spirituel parmi les autres. Ça veut dire qu'un chrétien, un serviteur qui vit dans la plénitude peut se retrouver en train de dire des mystères à travers le parler en langue. Ça dit, il parle avec l'esprit de Dieu. Dieu, il est esprit. Il a communiqué aux hommes de différentes manières, que ce soit dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance. Et notre mission à l'heure actuelle, c'est la continuité du ministère terrestre de notre Seigneur. C'est vrai que j'ai cette petite question qui me revient à l'esprit. Il faut bien qu'on éclaire les antennes, les auditeurs là-dessus. Est-ce que les dons spirituels se valent-ils? Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre les dons, des dons qui sont supérieurs ou plus importants que d'autres? Je crois que la dernière fois, nous avons essayé de répondre à cette question-là lorsque nous parlions, basé en 1 Corinthiens 14, l'apôtre Paul met l'accent sur le don de prophétie en disant que, particulièrement en comprenant cela avec le don de langue. Et c'est quand même curieux que ce qui est considéré et tous les pentecôtistes une fois de plus, reconnaissent que c'est le moindre des dons. C'est pour ça qu'on met l'accent aujourd'hui. Donc déjà, avant d'avancer, j'aimerais demander des excuses aux auditeurs, aux frères et aux chrétiens, en disant à ces frères qui a parlé que je reconnais dons là et je reçois l'exhortation. Mais quand je parle donc des pentecôtistes, je vais dire ici, parce que en réalité, le ministère que Dieu m'a demandé de faire, c'est il faut qu'il frappe Dieu là-dessus, parce que je parle de pentecôtistes pour dire, c'est pas pour dire catégoriser les chrétiens. Donc je sais que c'est quelque chose qui va infester le corps de Christ. Je parle de pentecôtistes pour dire la frange ou bien le groupe d'où la cette chose est partie. C'est de ça dont je suis en train de parler. Ok, d'accord, merci. Aujourd'hui, Charlie Bakoudian retient très rapidement que le parler en langue, voilà, que le parler en langue n'est pas la condition sine qua non pour avoir le Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose. Et quand on enfant de Dieu, peut ne pas parler en langue. Après, l'enfant de Dieu peut ne pas parler en langue et hériter du royaume des cieux. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Troisième chose qu'on retient, Charlie Bakoudi, c'est que, effectivement, l'homme de Dieu, au travers des différents témoignages de l'homme de Dieu, c'est que le Seigneur peut se manifester en une personne et cette personne parle des langues qui. Incompréhensibles par les autres. Mais l'évangile nous a fait savoir que ça doit être des langues qui soient terrestres. Et on peut aussi dire que moi, par exemple, il y a des langues terrestres que je ne maîtrise pas, mais. Absolument, mais qu'est-ce qui existe ? Dieu peut me faire parler absolument. Ces langues. Absolument. Je crois que c'est. Certainement, c'est pratiquement ça. On se sera compris là-dessus. Okay. Merci, évangéliste, non, frère Tchanda. Pour le fin débat. Absolument. Absolument. Merci, prophète Georges Guillaume. Merci. On rappelle, prophète, vous êtes le modérateur principal du ministère de la Fondation de la Grâce de Dieu. Situé à Niala, Parisot. Franck, c'est fin de me voir. Oui. Merci. Merci encore. Merci, Charlie Bakoudi. Merci à tonton Théo. Merci à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous ont appelés, à tous ceux qui nous ont écoutés sans appeler, qui ont été édifiés. Ah oui, merci ah à toute la communauté sur WhatsApp. Je pense à Florence Toguem depuis Yaoundé. Je pense à Babette Douillard. Je pense à Kissène. Je vos pense amis? À tous nos auditeurs. Non, je parle des auditeurs, Charlie Bakoudi. Pas mes amis. D'accord. Vous pouvez retrouver cette émission en téléchargement sur YouTube dès la semaine prochaine. Pas de problème. Vous irez simplement, vous taperez Radio Bonne Nouvelle Débat. Et nous, où sont voilà, un auditeur qui est là, malheureusement, le temps ne peut plus. La prochaine fois, nous serons avec vous. Au revoir. Allez, merci, au revoir. Et bon week-end. Au revoir. Saint-Esprit, viens.